monde est en train de se préparer. On est à 70%. Ça va être confirmé jusqu'à que je vais partir notre gentille totem qui est chantée par Israël. Toute une émission ce soir. C'est moi qui l'ai introduit tellement c'est loadé. Des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un verre de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. La tune thème de Turkish Star Wars. Attendez, j'ai même le nom original ici en turc de naissance. Puis, je suis sûr qu'il n'y a aucun turc qui va comprendre ce que je vais dire, mais Dünyayı Kurtaran Adam. The Man Who Saves the World. C'est le film qui a été choisi aujourd'hui pour les visionnements de Douteux au Brouhaha et ainsi que pour constituer le corpus de la dite émission de 70%. Cependant, c'est une émission de radio, le visuel est inexistant, je vous apprends quelque chose. Ce qui fait que pour être sûr de bien se saucer dans l'ambiance unique de ce classique de 1982, tout le long de l'émission, ça va être, pendant qu'on va parler, en background, la trame sonore, ben en fait, le film qui va jouer. Donc les bouts que ça va parler, que vous allez rien comprendre, ça va être en turc. Magique. Et donc, les « de monde qui viennent de comprendre en background, ça signifie que je ne suis pas schizophrène. Non, ça ne signifie pas ça vraiment, mais je saute vite aux conclusions. Qu'on l'a tout. Donc, Étienne Forêt, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu nous as amené une espèce de mélange spécial à thématique dépressive ou t'as évolué? Non, là, c'est fini, là, déprimer les auditeurs. Aujourd'hui, je vais plutôt les répugner. Ah. On passe par toute la gamme des émotions négatives. Et voilà. On a bien sûr Vidéoville. En fait, deux des trois membres de Vidéoville. C'est quoi? C'est Simon Chénier et Nicolas. Kirion de mon nom. Kirion de son nom. Oh, ça a dû avoir un primaire difficile, toi. Oui. Tu peux bouger le micro si tu veux. Hein, c'est... Ouais, c'est pas parce que c'est du tape après. Oui. Juste remercier la technicienne d'ailleurs qui a tout tapé le micro. Oui, c'est beau. Émilie de Francor parce qu'on est à choc. Oui. Yeah. Merci, Émilie. Ça va bien ici à choc. Jessica, bien sûr. Jessica. Je me plonge dans la culture turque aujourd'hui. Je vous donne une recette de karni yarik et on parle alcool turc également. Oh, voilà. C'est pas un pays musulman, ça? Hein? Tellement de questions. Oui. Et puis, ben, Bruno Corbin, en manchette ce soir? En manchette ce soir, je vais parler d'affaires, je vais parler d'autres affaires, puis non, pas ces affaires-là, mais d'autres affaires. D'autres choses. J'aime pas ça quand tu parles de ça, Bruno. Je te l'ai dit la semaine passée. Mais je sais, mais on travaille fort. C'est pas une femme d'affaires. Non, je sais, je vais essayer d'amener ça d'un côté. Bon, ben, pendant qu'on parle d'affaires ici, moi, je vais partir Jerry Boulet et Aïe Aïe, parce que on va écouter la première fois qu'il pose. Il est mort pour tes péchés, Jerry! Il est plein d'émotions pis tout, là. La toune commence sur un solo lyrique. C'est-tu des émotions, ça? pas qu'il venait juste de sortir de la dépression. Tu feras mal à mon cœur d'animal, l'immigré de l'intérieur. Tu me provoques des douleurs. Tu me fais mal au cœur. Ça rime à tout finalement, ça. Nous ne sommes pas pareils. Bientôt, bientôt. Il y a du non. Et puis pourtant, on s'émerveille au même printemps. Et Jessica qui quitte le studio. À la même lune, c'est trop d'émotion. C'est clair. Nous retournerons ensemble. Ok, elle va bien. Je suis allé retoucher son maquillage. Si le vent frappe à ma porte, pour m'annoncer le réveillon. Ça, ça rapporte. Ah oui. Au soleil. À ses premiers rayons. C'est quoi les rayons de marmotte? Parmi les roseaux. Ouais. Marmotte irradiée. Parmi les roseaux. Un petit pinceau dans le roseau. La marmotte, la petite bouche à chicane. À coups de grelots. Chanter la toune comme papillon qui tourne. C'est là. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. Le cœur à moi. Sax. Danse poteau. Boum. Tac. Poteau. Tac. Boum. Tac. Poteau. Tac. Pendant le saxophone, checkez bien la transition pertinente. Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que. En tout cas. Tout. Ça ne tente pas celle-là. Hein? Ah, Bruno Corbin de retour de grippe. Et de fin de semaine de fête. Et de fin de semaine de fête. C'est vrai. Bonne fête. Bruno. Bonne fête, Bruno. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête à Bruno. Bon, c'est ça. Okay. Quand ça vient de Fernand, ça te touche tellement plus. Ouais. Beaucoup plus. Te rejoins d'outre-tombe. Yeah. D'outre-tombe. Plus près de Fernand. Un an plus proche de Fernand. Toujours vivant. Ah, bon, alors, on y va tout de suite en nouvelle. Commence avec tes affaires. Là. Ouais, alors, si vous vivez à Jackson, Mississippi, il sera bien difficile d'être un yo bientôt, car le maire de la ville, Frank Melton, a décidé de faire passer une loi interdisant les pantalons portés. Trop taille basse. En tout cas, je sais pas à quel niveau c'est considéré comme trop taille basse, mais. Il doit y avoir une mesure. Parce que, ouais, l'exécutif et le législatif vont se mélanger pas mal. Justement, quoique le conseil de la ville ait déterminé que la proposition soit anticonstitutionnelle, Melton compte faire passer sa décision comme ordre exécutif. Je respecte bien sûr la Constitution, a-t-il affirmé, mais nous avons des problèmes beaucoup plus grands que la Constitution. Oui, comme les tailles trop basses. Oh, ouais. Boy, yeah! Constitution, ouais. C'est rien, ça, à cause de ça. C'est ça. Ça veut dire problèmes, la Constitution qui était supposée être comme pallier à peu près tous les problèmes. Mm-hmm. Et en plus, l'américaine a une clause qui dit peut-être qu'on s'est trompé en la faisant, vous pouvez la changer. Ouais. OK, fait. Ah, sacré. J'espère qu'il y a des avertissements. Ben, faut lui parler, quelque chose. Ouais. Ouais. Pantalon taille basse, quelle ville déjà? Jackson, Mississippi. Ça veut dire, mettons, ta ceinture, ta relève, pis là, tu sers d'un trou juste avant. C'est bon à savoir. Si on pense pas là. Puis, si t'as une grosse robe, une tunique par-dessus tes pantalons, ils vont-tu t'achaler? Je pense que non. OK, là, c'est constitutionnel. Ils viendront pas fouiller. Je pense que c'est correct. Non, c'est ça, ils ont pas le droit de mettre check-out. Tout ça, c'est anticonstitutionnel, ça. C'est ma bulle. Ouais, check-out, tu Fait que, t'en as-tu un autre? Non, ouais, je peux vous en pousser un autre tout de suite. Il y a des... celle-là est vraiment popin. Une étude britannique qui a démontré que les gens qui boivent plus de 7 tasses de café instantané par jour sont plus enclins à avoir des hallucinations que ceux qui n'en boivent qu'une. C'est vrai? L'équipe de l'université de Durham a questionné 200 étudiants sur leur consommation de caféine. L'étude, par contre, ne prouve pas un lien de causalité, affirment les chercheurs. C'est ça. Si ils expriment aussi le fait que les hallucinations ne sont pas une preuve de maladie mentale et que 3% de la population entendent régulièrement des voix. Moi, je pense personnellement que si tu bois 7 tasses de café instantané par jour, peut-être que t'es déjà un petit peu crackpot en quelque c'est part. C'est ça, exactement. C'est peut-être un symptôme plus qu'une cause. Ouais. 7? Ouais, c'est ça. Ils ont peut-être pas trouvé de café instantané que ça. Tu sais, je disais, Chris, achète-toi une cafetière. L'opinion de Corbin. À propos éditorial. Et voilà. Hey, sinon, c'est quoi? Toi, tu vas nous torturer tout de suite, Forêt? On commence-tu avec ça? On peut bien commencer avec ça. Ça va être fort, ça. OK, mais d'abord, une petite pause. Après la pause, DJ George traverse l'enfer de la drogue à 70%. Après la pause... Une touche d'amour pour toi que j'aime. Une touche d'amour. Une touche de crème. De crème. De crème. Bruno, c'est pour toi cette semaine, la touche de crème. Vu que c'était ta fête. Bonne fête, Bruno. Je t'en prie, la touche de crème. Je me suis touché aussi. Oui, c'est bon. Bon, alors aujourd'hui, le sujet de la semaine, ce sont les aberrations musicales. Donc, il y en a, je sais qu'il y en a qui vont dire. C'est le sujet de la semaine. Chaque semaine. Mais non, il y a une nuance. Parce que il y a des tunes qui jouent à Radio Cochonnerie que je fais jouer ici qui sont mauvaises parce qu'ils ont un petit côté kitsch ou bien qui ont déjà été populaires à un moment donné puis qui ont mal vieilli. Mais il y a d'autres tunes qui, dès le départ, sont intolérables tout de suite parce que les gens qui les ont faites manquent de talent puis n'auraient jamais dû avoir le droit d'en disquer. Ben c'est ça, les aberrations musicales. Donc évidemment, on pense tout de suite à notre bon ami Normand Lamour. C'était une bouffonne. C'était une bouffonne. C'est effectivement c'était assez paradoxal son existence. Oui. Une bouffonne. C'était quoi? C'était une bouffonne. Une bouffonne. Ah, une bouffonne. Une belle bouffonne. De profession. Oui. Pour repartir. La chanson s'appelle La balle de ping-pong. Il y a des bons arrangements. Oui, hein? À bouffonne. Je pense que c'est sa méthode d'écriture qui est peut-être. La bouffonne à bouffonne. C'est ami des souliers. Presque 20 pouces de long. Presque. Presque, ouais. À toute que la face. La fraise. Avant-gardiste. De souliers. Donc, Normand Lamour, né Normand Cournoyer, cet ancien propriétaire de dépanneur, un jour s'est fait hold-upé. C'est ça qui l'a bouleversé tellement qu'il a vendu son commerce. Puis là, il y a eu une épiphanie. Il s'est mis à enregistrer des chansons qu'il improvisait en disant que les paroles venaient de Dieu et de Jésus. Donc, avec du matériel rudimentaire chez lui à Sorel, il enregistrait tout ça, puis il survivait en vendant ses cassettes de porte à porte dans la région. Et éventuellement, est-ce que quelqu'un sait c'est de la faute de qui, ça, qu'on a Normand Lamour comme ça? Le bassiste de Jean Leloup. Moi. Non, non, non. C'est... D'abord, c'est le petit frère de Martin Petit. Non. C'est Cloutier. Ah, ça aurait pu, mais non. C'est tout simplement le propriétaire du magasin qui avait vendu son matériel d'enregistrement. Son micro, puis sa petite table mixante, puis son synthétiseur, qui, à un moment donné, il discutait avec, puis il s'est dit, hey, il y a sûrement de l'argent à faire avec ça. Fait qu'il a sélectionné les 13 chansons les plus intéressantes pour les en disquer sur l'album C'est pas possible, paru en 1998. C'est pas possible qu'il ait grillé au travail de toutes ces tunes-là pour en sortir. Ah oui, ça a dû être long. L'album fut un succès instantané. Tout le monde se le procurait pour rire de Normand et s'exclamer que ce n'était en effet pas possible. Donc, Normand était partout, et maintenant, il jouit d'une notoriété enviable. En ce moment, il continue encore d'enregistrer ses chansons chez lui avec son matériel amateur, sauf que là, maintenant, ce sont des CD plutôt que des cassettes parce qu'il est moderne. Mm-hmm. Puis il les vend à même sa minivan, c'est à stationner la plupart du temps au chic restaurant Madrid, sortie 201 de l'autoroute 20. Et il est de plus en plus sénile à chaque jour. Oui, de plus en plus illuminé. De plus en plus épiphanie. Je me demande où est-ce qu'on se situe, où est-ce que c'est rendu, ça l'est passé de « on rit de lui » à « oh, finalement, c'est cool ». C'est bon ou intéressant. Non, ça n'a jamais été ça, non. Je suis pas sûr qu'on en est là. Ah ben moi, je me tiens avec un set de gens qui trouvent ça intéressant. C'est comme l'album de Jérémy Gabriel. C'est rendu d'un dolorama. Il n'y a personne qui a d'un réel intérêt pour le produit. Là. C'est un peu comme une Nintendo Wii après l'apocalypse. T'sais. Ça vaut pas grand-chose. C'est ça. Je me demande si un jour Guitar Hero francophone va sortir avec la possibilité de jouer des tunes de Normand Amour. Normand Amour. Ça serait bon. C'est sûr bon. Que tu l'as bien partout. Mais ça doit être dur de chanter faux. Oui, ah ouais, ça doit être facile. Puis de suite. Fait que t'as-tu une autre petite tranche sur un autre avant qu'on saute ben sur oui, ben Vidéo oui. Ville à pieds joints? J'en on a un autre gros canon que vous connaissez tous déjà. Il s'agit bien sûr de notre ami Wesley Willis. Donc ça, c'est une tune slow. Ben oui, c'est du slow. Je le reconnais pas. Batman got on my nerves. He was running me a mouth. Ah, là, je le reconnais. He ridiculed me, calling me a mouth. Ça s'appelle I Whooped Batman's Ass. Oui. I Whooped Batman's Ass. Il y en a eu toute une série comme ça où que Wesley whooped les ass de tous les super-héros. Ouais, mais c'est pas mal sa méthode d'écriture. Ouais. Ma préférée, c'est celle-là de Batman. J'ai d'ailleurs mis mon chandail de Batman aujourd'hui pour ça. Clairement. Wesley. Feu Wesley. Pour que les auditeurs puissent l'apprécier. Non, mais c'est pour vous, monsieur, mesdames, en studio. Je pense à vous aussi. Donc, Wesley, c'était un grand noir obèse et schizophrène de Chicago qui faisait de la musique pour faire fuir ses trois démons. Heartbreaker, Nerve Wrecker et Mean Sucker. Donc, trois démons, évidemment, qui étaient dans sa tête. Yeah, donc, ouais. C'est là qu'ils sont responsables. Shotgun sur Mean Sucker! That's what she said. Il a fondé le groupe de Wesley Willis Fiasco avec des musiciens de la scène alternative, mais il est devenu beaucoup plus populaire lorsqu'il a commencé sa carrière solo. Donc, si on analyse un peu l'œuvre de Wesley, on voit que toutes ses chansons sont construites, je vais vous surprendre, là, sur le même pattern. Non! Oui. Donc, c'est un couplet où il parle du sujet en la plupart du temps quatre phrases. Un refrain où il chante le titre de la chanson, là, j'avais mis « chante » entre guillemets, ça paraît pas, là, mais sur mon texte, c'est écrit de même. Donc, un certain nombre de fois, entre 3 et 6, mais la plupart du temps, 4. Ensuite, un autre couplet, un autre refrain identique au premier, et vient ensuite le « bridge ». Là, on est dedans, là, regardez. Le « bridge », c'est ça. Pendant le « bridge », Wesley utilise le bouton « fill in » de son clavier, qui joue toute la musique pour lui, de toute façon, depuis le début. Et le « bridge » est là, parce que Wesley a déjà entendu dire que la durée idéale d'une chanson devrait être de 2 minutes 50. Et que lui a du matériel comme pour à peu près 1 minute 20. Donc, il y a à peu près 1 minute 30 de fill-in au milieu. À peu près, évidemment, ça varie. Là. Et puis après le bridge, on a un autre couplet, une autre fois le refrain et la phrase finale qui est toujours « Rock over London, rock on Chicago », suivi d'un slogan publicitaire quelconque. Quelconque, tu veux dire, ça peut changer ça change. D'une interprétation à l'autre de la même chanson? Non, par contre, d'une chanson à l'autre, ça varie. Mais la même chanson est toujours avec la même... On peut y aller tout de suite à la finale, vous allez voir. Rock on London, rock on Chicago, rock on. Mais pourquoi changer de formule gagnante? Et voilà pourquoi. Donc Wesley a produit une cinquantaine d'albums complets et est décédé beaucoup trop jeune des suites d'une leucémie. Je vous mets juste en quittant une chanson pour vous montrer qu'il y a aussi beaucoup de goût. Il ne parle pas que de super-héros. I'm going to tell you this. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Voilà. Alors, si vous avez une job que vous aimez c'est pas, c'est très punk. Vous pouvez chanter ça. Ben oui. Dans ça, l'attitude. Mais c'est pas si mauvais, ça. Non, c'est bon, hein? Ouais. Bon, ben, on va aller vers un petit sketch, puis après ça, on va écouter Vidéoville. Ça va être autre chose. Oui, ça va être certainement mieux. Thank you. crois que j'ai bien dormi. C'était ça, le sketch? Eh bien oui, c'est Arthur le coureur des bois qui se réveillait. On a été témoin de moments qui arrive au moins à chaque fois qu'il se réveille. Ouais. Toujours bien dormi. Et voilà. C'est du voyeurisme dans sa vie qu'on vient de faire. Ah ben c'est lui qui nous l'offre. Ouais, c'est du voyeurisme. Sinon, Simon Chénier, Nicolas Quirion, c'est qui manque? C'est Jonathan? Guilbeault. Il a été encore plus traumatisé au primaire, fait qu'il a fallu qu'il reste chez eux. Bon, il envoie une gentille pensée. On espère qu'il va écouter l'émission, hein, parce que sinon, il va manquer une performance live. Et oui. Lui qui est le drummer d'un band composé de 3 personnes, si j'ai bien compté. Là. C'est ça. Il ne pouvait pas vraiment amener parce qu'il aurait fallu amener son drum. Ouais, ça a été compliqué. Il aurait pu apprendre à jouer d'un autre instrument, mais il n'y a pas le temps. C'est un drummer. Donc, vous autres, vous vous appelez Vidéoville. Ouais. Comment ça, donc? En l'honneur d'une compagnie de distribution de films pourris. Moi, quand je suis arrivé, c'était déjà appelé Vidéoville. Ouais. Tu voudrais juste qu'un mot rien à voir là-dedans. Puis vous nommez Vidéoville, faites quoi comme film? Il a fait celui de la semaine passée, il a fait Cyborg Cop 1 et 2. Ah, OK, ils sont vraiment... Il a fait Hobgoblin. Hobgoblin, c'est ça. Ouais. De L'Arme absolue, Eliminator... Les massacreurs et... Les massacreurs. Je pourrais passer une journée à toutes les nommer. C'est ça. En fait, Vidéoville rachetait beaucoup de films qui étaient faits en Europe et puis en Asie et les traduisait à bas frais et puis les distribuait ici en Amérique du Nord, souvent au Québec. Parce que Vidéoville, en anglais, ça devenait Vidéoville. Vidéoville. Non, ça fait combien de temps que le groupe existe? Disons que la formation présente fait à peu près un an. Ouais. Sinon, ça fait près de 3 ans, mais... Non, c'est vrai, ça a toujours été un trio. Ouais. Mais il y a eu des changements. Et là, en plus, vous avez un MySpace, puis sur MySpace, on peut lire que vous avez des influences du genre Simon Boisvert et le samouraï de L.A. C'est possible de m'expliquer. Ah, c'est toi qui as voulu faire le MySpace. Ah, ben... C'était une petite farce. Ouais. C'était une blague de musicien du Dolby. Ah. Moi, j'aimerais ça savoir dans votre trio qui joue le rôle de la boisson gazeuse. En fait, c'est notre quatrième membre qui s'occupe du visuel. Ah, OK, fait que c'est plus vraiment un trio, là. Le quatrième membre du trio. Hein, c'est rendu un combo. C'est un combo, oui, c'est ça. Ils ont pris l'extra. Ça vient avec le gâteau Deep and Delicious. Ben non, mais c'est vrai, d'ailleurs, avant de... Je veux dire, là, vous allez nous faire une performance live. Si tu veux. Ben, certain. Oui, on veut tout le monde. Tu vois ce qu'on a été réduit à écouter avant d'y arriver. Puis je veux dire, nonobstant, ce qui va arriver bientôt, c'est que... C'est quoi, c'est jeudi prochain, le 22? Ouais, jeudi, on a un spectacle à l'Esco Griffe. Et voilà. L'Esco. L'Esco, puis ça va être avec qui, ça, déjà? Avec Le Monde dans le Feu. Yeah! Avec Bruno, aussi. Wow! Tu vois, hein, ça, c'est de la convergence. Yeah! Ça, c'est cool. Ouais. Et Digit Missile Command. Oh boy! Qui est le projet solo de Yann Godbout de Half-Baked. Mm-hmm. Et vous faites la première page de notre magazine 70% aussi, parlant de convergence. Ok, c'est parti. Ah, mais ça va être chaud, hein, jeudi, à partir de 9h. Ouais, les portes, c'est à 9. Je pense que le show commence à 10h30. Donc, bien sûr, on va remitoyer la date et la jeunesse. C'est vendredi, chaud dans le fond. Là, c'est quoi vous allez jouer? On va jouer la chanson, veux-tu le dire? La chanson s'intitule Wildfire, mais il faut rajouter Vive pour survivre, c'est important. Ou le diamant. Ou entre parenthèses, Dommage que tu sois ma sœur. Dommage que tu sois ma sœur. L'excellent film avec Mike Ginty, parce que c'est ça. Donc je vais baisser ici. C'est Cunette Arkin qui essaie d'appeler les femmes sur la planète. J'aimerais dire 2 mots sur les paroles de la chanson. Elles ont été inspirées par Joe Beaucan. Ah, voilà. C'est bon. Donc, c'est en l'hommage de Joe Beaucan. Non, c'est très paradoxal. Oui, pour les paroles. Oui, seulement les paroles. OK. En fait, c'est... bravo, bravo. C'est vous qui auriez dû inspirer Joe Beaucan au niveau des paroles, je pense. Oui, ça aurait été. Ah, mais bravo, hein. On reconnaît donc un groupe instrumental. Dans 3 ans, Vidéoville, c'est quoi qui se passe? On va peut-être exploser encore. On va aider des explosions d'hélicoptères. Merci à Pépin Méry. Oui, oui. Et voilà. Moi, j'ai une petite question. Il y a une de vos chansons qui s'appelle Paparazzi à l'urgence à cause de Megaman. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas tout à fait le vrai. Non, non, on l'a changé plusieurs fois. Maintenant, c'est juste Paparazzi, mais dans le fond, c'est que c'était, moi... C'était quoi déjà le je vrai je me suis demandé qu'est-ce que Megaman avait fait. Au début, c'était Megaman tout court, non? Ouais, c'était Megaman. Après, c'était Paparazzi pris à l'urgence... Non, Paparazzi mis à l'urgence Orsini à cause de Megaman. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que le Paparazzi s'en est sorti. Oui. Non. T'es pas encore là. Parce qu'on travaille encore la toune, fait que. Des fois, nos titres sont pas trop. On les change un peu. Comme là, on en a une, Richard Séguin, mais je sais même plus comment qu'on l'appelle. Parce que c'est Richard Séguin pris en otage dans une cheminée à Pointe-aux-Trembles. Ouais, mais. Ça nous rappelle les années sombres de la crise d'octobre. On aimerait tellement qu'il joue dans notre clip. Ouais, un jour, même. Peut-être qu'il y a des titres de. Il y avait un album de Of Montreal que chaque chanson de tune commençait par Dustin Hoffman. C'était Dustin Hoffman Takes a Bath, Dustin Hoffman. Bon, ben, d'ici à ce que Richard Séguin collabore avec vous, on va vous voir ce jeudi à l'ESCO des. 21h. 21h. Ouais. L'ESCO qui est bien sûr coin Mont-Royal-Saint-Denis. C'est pas mal sur Saint-Denis. Ouais. Moi, je débarque coin Mont-Royal-Saint-Denis. Mont-Royal-Saint-Denis, là, il y a la roquette qui est dans l'ancien Big Cheese, là. Puis en dessous de ça, il y a le Quai des Brumes. Puis juste vers le sud, là. Juste vraiment là. Pas loin, là. Il y a l'ESCO, il y a une terrasse du monde qui ont l'air dans t'as l'air pas mal motivé, c'est parce que t'es dans le monde dans le feu qui va jouer là aussi. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est pour ça qu'il explique avec tant de détails. Puis cher public, on va jouer juste pour toi. Puis juste en diagonale, là, il y a le fameux, vous pouvez acheter des roteux, c'est super bon les roteux. On ira là avant le show. Ah, les poutines aussi sont bonnes. Ouais, mais surtout les roteux. Le service est excellent. Disons, information incroyable. Si vous voulez rencontrer les stars du groupe avant le show, ils vont être au fameux. Il y a pas mal d'affaires qui se passent jeudi. Hey, hein? Fast food. Moi, je vais parler un petit peu de fast food pour l'esprit. Ouais. On va se saucer dans la trame sonore un peu. Là. Là, on sent qu'il y a un combat. Il y a des gars bien couverts de poubelles. Bunlar da ne? Kim bunlar? Ama acayip şeyler. Herhalde dünyadaki sevgililerin değil. Ha, galiba yakalandık. Çok zekisin. Zekana hayranım. Ça se traduit mal en français. Tu voulais pas mettre les sous-titres. Il n'y a rien à faire avec ça. Oui, il y a des sous-titres en anglais, mais j'aimais mieux qu'on comprenne le turc. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui comprennent le turc et qui viennent de comprendre que, ah non, on vient de se faire kidnapper. Puis pendant qu'il y était, en tout cas. Donc, le film de ce soir, c'est Du Niayi Kurtaran Adam, The Man Who Saves the World, Turkish Star Wars, le Star Wars turc. On l'appelle comme ça. En fait, c'est connu comme ça parce que la séquence d'intro, à peu près au complet, a pris pas très beaucoup de temps à filmer. Ça a été surtout des images pompées de Star Wars. D'ailleurs, le film de ce soir, le Star Wars turc, est un véritable monstre à la Frankenstein. Une créature montée à partir de plein de bouts de d'autres êtres qui n'avaient rien à voir avec le résultat final. Un amateur sérieux de cinéma perdra quelques secondes de son temps pour reconnaître des séquences pompées directement de Star Wars, de Battlestar Galactica, de Star Trek et du Trou Noir. Quand je dis pomper directement, ça veut dire on coupe la séquence, on la met dans le film. Voilà. C'est tout. C'est tout. L'hypothétique cinéphile perspicace reconnaîtra également les extraits des trames sonores de Indiana Jones, Moonraker, Ben-Hur, Flash Gordon, Battlestar Galactica, La Planète des Singes, Silent Running, The Black Hole, ainsi que du Trou Noir, l'excellent Trou Noir de Disney. J'ose prétendre... Oh, tiens, on a un gentil coup de téléphone. On va aller voir. J'espère que c'est quelqu'un pour... Salut, on est à 70%. C'est un Turc. Oui, bonjour, 70%. C'est pour confirmer que en 2009, cette année, c'est l'année de l'astronomie. Ah, d'accord. Information pertinente. Oui, contrairement à l'année 2008, qui était l'année de la patate. Donc on voit qu'il y a un changement de valeur. Donc oui, on sent que l'humanité évolue d'une année vers l'autre. Ben oui. De la patate vers l'astronomie. Et merci beaucoup, on parle à Evelyne Pondexité. Ah ben, la joueuse de patapon, toi. Tu connais toujours des vidéos villes. On l'arrache sur un des joueurs de guitare, puis on te l'envoie. Voilà. Fait que c'est tout, 70%. Ah, ben, merci beaucoup, Evelyne. Ben, ça me fait plaisir. Patapatapatato. Patapatapatato. Non, non. Vous avez bien appris votre leçon. On se revoit au brouhaha, oublie pas le spot. Voilà. Chaque jour est un cadeau, on retourne dans Turkish Star Wars. OK, à tantôt. Là. Salut. Hey, on vient d'avoir un appel pertinent. Ah. Ben ouais, on parle de Star Wars. Pas comme la semaine dernière. C'est quand même trop. C'est vraiment drôle, ça. Donc, j'ose prétendre que cet inexistant amateur de cinéma va perdre tout son temps imaginaire s'il s'attaque au Star Wars truc en priorisant cet angle de dénigrement. C'est-à-dire, oui, c'est un choix très douteux que de sortir des séquences d'un autre film pour les utiliser dans son film. Mais ces instants sont les seuls de relative qualité qu'on va pouvoir avoir dans le film. C'est ça. Faut pas y enlever ça, là. C'est ça. Pour bien bitcher ce film, le critique de... Oui, c'est la trame sonore de Turkish Star Wars. Ouais. Aussi, ce... Ce critique de cinéma, dont on ne parlera désormais qu'au passé, devrait plutôt garder toutes ses énergies pour les bouts de films originaux filmés exclusivement par et pour les Turcs. Parce qu'en 1982, le contexte politique voulait que à importer des films, c'était compliqué, les traduire encore plus, blablabla, bla bla, on va se débrouiller sur notre bord tout seul. Ouais. Autre film notoire qui ont été transformés en Turquie, c'est E.T. Et puis, il y a aussi une version de L'Exorciste qui est totalement intoffable. Il y a qui... un Star Trek aussi. Ah ouais, ouais. Turkish Star Trek. Ils en ont fait pas mal de coupes de Captain America et Santo contre Spider-Man aussi. Qui a été faite en Turquie. Ouais. Captain America et Santo contre un méchant Spider-Man avec des sourcils trop gros. Donc, en tout et pour les tout, sourcils, on parle de Turkish Star Wars. L'ensemble s'est déjà mérité la 7e place au palmarès d'IMDB dans le top moins 100. Et puis les choses ont changé depuis parce que les douteux-logues de partout dans le monde ont maintenant leur mot à dire et sont allés voter des 9 sur 10 parce que l'échelle négative n'existe pas sur IMDB. Je te jure qu'on va changer ça un jour. En attendant la prochaine suite de l'émission que vous êtes en train d'écouter, on va aller écouter une excellente chanson. Je pense que ça va être... En tout, tu t'occupes pas mal du côté douloureux. Fait qu'on va mettre une autre tune qui s'appelle Junebug qui est excellente de Léo Cato. On vous revient tantôt. À 70% avec Vidéoville. Ouais. À Choc FM. Choc FM. Toujours plus de hits. Vous êtes à 70%, c'est clair, changez de poste. Ouais, effectivement, changez de poste. Comment vous êtes encore là? Alors, on continue en nouvelle. Alors, admettons, là, vous avez plus de piles pour vos gadgets, là. Admettons. Que faire? Faites pipi! Ah. Une nouvelle pile rechargeable, la No Popo, la No Pollution Power, utilise une combinaison de magnésium et de carbone qui peut être mélangée avec une variété de fluides, incluant l'urine, afin de créer une charge. La pile dure beaucoup moins longtemps qu'une pile alcaline régulière, mais au moins vous n'avez pas à tuer la terre pour la charger. C'est bon. C'est ça qui est écrit sur le site. En même temps, quand tu te rends compte que ta pile fonctionne plus, t'es un peu nerveux, fait que t'as envie de pisser automatiquement. C'est, ouais, c'est vrai. C'est vraiment bien pensé. Fait que c'est quoi, mettons, tu la mets dans un pot, tu pisses dessus, tu fais pipi, t'as un compte-gouttes qui vient avec, tu fais juste comme... Faut pas que ça soit remplir immergé, ta pile de pipi, là. Là, tu peux te savoir si t'es enceinte en même temps. Puis quand ton pipi... La nouvelle option! Ouais, il y a un piton sur la pile. C'est, ça, tu parles d'autres affaires, là. Ouais. OK, ben go, man, continue, c'est bon, ça. Il y a Marcelino Jesus Martinez. Ah, pas lui. Ouais, qui a arrêté par la police cette semaine après avoir supposément vendu sa fille de 14 ans en mariage pour 16 000 $ et 100 caisses de bière. C'est beaucoup trop peu. Ben, 100 caisses de bière. Le Californien de 36 ans aurait ensuite... C'est pour ça qu'il y avait de la bière qui fait pour oublier la lodeur. Sens-toi bien libre de continuer. Oui. Alors, oui, restons sérieux. Le Californien de 36 ans aurait ensuite alerté la police après que l'homme à qui il avait vendu sa fille, Mark Judd, en tout cas, Jesus Jones, Mark Jacobs, 18 ans, ne l'ait pas payé. Pas lui. Ah, non. Ouais. Donc, il s'est plaint à la police qu'il s'était fait avoir, il s'était pas fait payer. Sa fille lui a été rendue, mais l'homme a été arrêté pour charge de vente d'alcool illégal et pour avoir reçu de l'argent pour causer une personne à cohabiter. Galindo, l'acheteur est marié, a lui-même été arrêté sous suspicion de vol. De viol, pardon. Ils sont pas le même, vraiment. Pas oublié de voyelle dans ces mots-là. Ouais. Fait que là, le gars, lui, il trouvait que c'était fait avoir dans le deal. Ouais. Parce qu'il avait eu sa bière, mais il avait pas eu son cash. Argent, ouais. 16 400? 16 000 tout court. OK. Ouais. Non, ça arrêtait drôle. Ça arrêtait plus drôle. Il manque 30 piastres. 422. Hey, vive le monde, hein? Ouais. T'en as-tu un autre ou? Ouais, je peux en faire un autre. Une petite dernière, okay. C'est ta fête. Il y a une Californienne de 13 ans qui a réussi à accumuler le nombre abasourdissant. Tu veux, je l'ai bien dit. Ben oui, malgré le typo. Malgré le typo. De 14 528 messages textes en un mois. Un calcul rapide, ça équivaut à 484 messages par jour, c'est-à-dire 20 à l'heure, donc 1 ou 3 minutes. Sans jamais dormir. Hein. Et sur l'assurance chômage. Sans jamais dormir. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, Raina Hardesty a répondu « J'aime parler ». Heureusement que ses parents avaient pris le forfait texte illimité parce que sa facture aurait monté à 2811. Si elle aime parler, pourquoi elle ne leur parle pas au lieu de leur texter? Ouais. 1-0 pour Forêt, on passe en troisième manche. Jessica au bâton, tu vas nous amener vers où, Jessica? Ben moi, je vous amène vers l'alcool pour oublier tout ça. Oublier le gars qui s'est suivi. Ben, je vous amène dans l'univers turc aujourd'hui à cause de Turkish Star Wars. Donc, je vous parle du Raiki. Là, ça s'écrit, en fait, Raki, R-A-K-I. Mais c'était écrit que ça se dit E-U à la fin. Puis il faut faire un rictus comme en disant le E, fait que c'est Raké. Là, j'appelle à SAQ tantôt parce que je voulais tout qu'on s'en boive, tu sais, ensemble. Mais le temps que ça passe aux douanes, puis qu'ils ont fait la commande et tout, ça va être juste en mars là, que ça va arriver. Mais tu vas-tu aller en mars? Voilà. Oui, je vais refaire un rappel Raké. Fait que tu leur recommandais ça, puis il y en a. Oui, tout à fait, là. Wow. On est stand-by pour le Raké. Moi qui attends encore mon Meatwater. C'est vraiment la boisson nationale turque qui est non sucrée, qui s'appelle aussi lait de lion. C'est à base de raisin turc aromatisé à l'anis. Ça doit être très bon, mais c'est vraiment excessivement fort. Ça se boit souvent, en fait, en deux verres. Donc, t'as ton raïque dans un verre cylindrique. Puis dans l'autre, t'as l'eau avec les glaçons. Oh. Puis ça se boit à environ 8 à 10 degrés. Ce qui fait que quand tu mets ton eau et les glaçons et tout ça, ça change vraiment de couleur. Il y a quelque chose de turc qui se passe dans ton verre cylindrique. cylindrique. Là. Ça se fait aller le petit chapeau de poêle. Fait que, ben voilà, ça se boit en apéro durant les repas. Et souvent, ce qui est très bon avec ça, c'est des petits fromages feta avec... eux, ils mélangent ça avec des tranches de melon. Fait que feta et melon... Ils sont bizarres. Ils sont tous enceintes. Puis sinon, je vous parle du carni yarik, qui est un plat typiquement turc à base d'aubergines. En fait, tu coupes la queue, tu tranches ton aubergine en deux et tu fais, bon, rissoler l'aubergine dans la poêle, ooh, alors que l'huile d'olive s'est fait préchauffer auparavant. Et donc, une fois que ça c'est fait... tu mets ton aubergine stand-by dans un petit plat à côté. Okay. Et tu fais sauter ta viande, tes oignons, après les avoir salés, poivrés. Tu fais revenir tout ça pendant 3 minutes. Sac des tomates là-dedans. Et tu refais cuire encore 3 minutes. Finalement, tu rajoutes du persil à tout ça. Puis tu fourres ça, en fait, à la fin dans ton aubergine. Fait que c'est comme la... Tu sais, notre dinde québécoise. Farcie. Mais comment? Ouais, c'est une aubergine. Aubergine farcie. Une version sous-titrée de notre dinde. Ouais. Ouais. Le carni yarik avec un petit verre de raïque, c'est excellent. Ouais. On est justement prêt ici. Puis en background, en fait, c'est important de dire qu'on entend de la musique traditionnelle turque. Mm. Puis il paraît aussi que c'est bien pratique parce qu'il paraît, je pense, que ça, si tu le commences aujourd'hui, cette recette-là, ça va être prêt juste en mars. Fait que ça va arriver au même moment. Ils ont tous pensé à les Turcs. Puis on peut se dire à votre santé en turc, chérefe. Cher effet. Mm. Alors, est-ce que tu recommandes qu'on en prenne? C'est très drôle, Étienne. Merci. En ce moment, tu me marres. Ça fait au moins 5 minutes que j'attends de plugger ça. Mais t'es patient, c'est bien. Chapeau. Au moins, je suis patient. DJ George, c'est pas n'importe qui. Fait que c'est quoi? C'est la fin de ta chronique? Tu voulais parler de Turkish Star Wars 2 aussi, non? Ouais, mais je voulais... En fait, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que, bon, en français, le Turkish Star Wars, c'est l'homme qui sauva le monde. Mm-hmm. Puis le 2, c'est le fils de l'homme qui sauva le monde. Là, je me dis, s'ils font une trilogie, ça va être comme le fils du fils de l'homme qui sauva le monde. Le petit-fils de l'homme qui sauva le monde. Ouais. Oh. L'arrière, hein? Même s'il n'a pas gardé le même nom de famille, ça reste le petit-fils de l'homme qui sauva le monde. Ça, c'est sûr. Puis anecdote... C'est ça, son nom, c'est fils. Anecdote, dans ce film-là, il y a Pascal Nouma qui est un footballeur français. Là, on parle du 2, là, qui a été tourné en 2006. Pascal Nouma qui est un footballeur français qui apparaît, en fait, dans ce film-là. Qui est reconnu, en fait, Pascal Nouma, on sait très bien, reconnu pour avoir simulé une masturbation à la suite d'un but marqué, alors qu'il faisait partie d'un groupe turc, là, lui-même. Oh. Et lui, il fait un super beau caméo dans L'homme qui sauva le monde, Le retour. qu'on aura peut-être la chance de voir au brouhaha un jour, peut-être, parce que ce film-là, moi, j'ai l'impression qu'il va être traduit en anglais à un moment donné. Parce que je pense pas que... Ben en fait, ça a été beaucoup honni, le 2, parce qu'ils ont pas gardé la même qualité de production que le... Non, mais ça a été beaucoup plus... en fait, c'était beaucoup plus humoristique parce qu'ils voulaient se moquer de... Ouais, ils ont essayé de récupérer par rapport au premier film, moins de la gaffe qu'ils avaient faite, qui finalement n'est pas une si grande gaffe. Ils commencent à faire semblant que c'est une blague, finalement. Ouais, mais d'ici ce temps-là, d'ici à ce que ça joue au brouhaha, allez googler sur YouTube, en fait, Pascal Nouma pour le voir se masturber alors qu'il compte son but. Moi, je trouve que ça vaut la peine. OK, oui. Mais feindre, là. C'est ça, ça. Ah, il fait... Tu sais, Markstahl, non, c'est quoi son nom, là? C'est l'autre, Semin, le gars des Capitals de Washington qui s'est battu en donnant des... Ah, en donnant des tapes de... Très, très viril. Ouais. Lâche-moi. Tu sais, puis après ça, on accuse truc machin de donner un coup de tête puis que ce soit violent. C'est quoi, au soccer, ben, ouais, Zidane. Ouais, Zidane. Ouais, c'est lui qui a réussi à voler le show parce qu'il a donné un coup de tête, là. Bravo, hein? Ouais. Portons en héros celui qui a fait la chose la moins sportive du tournoi. Zidane, je te dis chérifé. C'est ça, merci. Hey, sinon, Vidéoville, là. Toi, Nicolas Quirion, là. Oui. Est-ce que tu joues à Magic? J'ai jamais essayé. Tu veux m'enseigner? Tu joues pas. Toi, Simon Chénier, est-ce que tu joues à Magic? Moi, j'ai déjà répondu à ta question. C'est vrai, t'es déjà... Aller chercher dans les archives. Ouais. Aller chercher dans les archives. Je laisse le suspense. Ceux qui sont vraiment intéressés par la chaîne. Étienne Forêt, Souffrance? Oui, pourquoi pas Souffrance? Je vous amène maintenant loin de la Turquie, mais pas trop, au Portugal, où les Portugais ne sont pas en reste quand il s'agit de faire des atrocités comme Normand et Wesley. Ils ont Zé Cabra, qui a une petite touche exotique quand même, on va le voir. c'est comme c'est sympathique. Eu gosto dos olhos dela, eu gosto dos olhos dela, eu gosto dos olhos dela. J'avais jamais entendu ça. C'est bon. Zé Cabra, donc lui, c'est un chanteur portugais, mais maintenant il vit en France. Et puis il était connu pour ses spectacles qu'il donnait dans quelques petits villages portugais. Mais il a eu ses quelques minutes de gloire en enregistrant un disque avec ses quelques tunes et en participant à des émissions de télé. Et il a même déjà, dans une de ses émissions-là, avoué qu'en fait, il ne savait pas chanter. Ça a surpris tout le monde. Sinon, en France, on change un peu de registre. On a Michel Farinet. Je l'aime beaucoup, moi, Michel Farinet. C'est un vieux bonhomme français qui enregistre ses chansons chez lui, un peu comme Normand Lamour. Il a toutefois un peu plus de talent parce qu'il joue sa musique pour vrai et qu'il écrit des textes au lieu de juste les improviser au fur et à mesure de l'enregistrement. C'est pour ça que tu l'aimes beaucoup. Oui, oui, parce qu'il est à un niveau supérieur là, de Normand. Normand plus. Oui, tout ce qui est en haut de Normand, on aime ça. On aime ça. C'est Normand plus, plus. Par contre, malgré tout, il n'y a pas de voix et ses chansons ont souvent des sujets un peu incongrus. Puis ses textes sont certainement pas faits pour être chantés, ce qu'il nous prouve constamment en essayant de les chanter. Je vous en mets une ici où il nous parle de des peintures de Bruegel l'Ancien, un peintre flamand. Oui. Oui, c'est IBL qui s'étonne ici. Non, mais ça, c'était à l'époque d'Albert Durer aussi. Moi, je fais juste jouer les tunes, Jess. Vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas écouté dans vos cours d'histoire de l'art au cégep? Je l'ai coulé. Moi, je faisais de la peinture. Je l'ai coulé. C'est à Anvers qu'il est né. Ses tableaux sont au musée. Son nom est Bruegel l'Ancien. Donc, ça ressemble tout le temps un peu à ça. C'est des textes qui ne sont pas vraiment faits pour être chantés. Ça peut être intéressant à écouter, par contre. Serions-nous vraiment tous plus civils? Non, ça, j'embarque pas. Ça va jouer dans le prochain Bois Vert, je pense. Moi, je trouve ça très drôle parce que sa chanson, c'est assez léger, en fin de compte, mais Bruegel, puis Durer, puis toutes ces peintres-là de l'époque, c'est tout ce qu'on voit dans leur peinture, c'est en fait maléfique, de la sabbat, puis des sorcières, puis du monde crucifié. Lui, il a vu les belles choses là-dedans. Comme, il est tout extasié là-dessus. Regarde les cadavres décapités, ouais, tout le monde. C'est toujours des squelettes. Ce qui est intéressant, c'est que lui, son premier album, il l'a appelé MF2000, donc pour Michel Farinet, en disquant l'an 2000. Wow. Puis à chaque album qu'il a fait ensuite, il a augmenté le chiffre de 1, même s'il en faisait plus qu'un par année. Fait que là, il est rendu à MF2037, je pense. Donc, ça n'a plus trop rapport, là, le compteur. C'est comme le Big Shiny Toon, genre. Ouais, tous ses albums ont un numéro. Donc. Un numéro qui part à 2000, puis c'est juste ça. Donc, j'en ai un autre bonne que j'aime bien ici. 37. C'est sur l'euro, quand l'euro est arrivé en France. Ah, ouais. Notre monnaie, c'est l'euro, l'union fait la force de l'euro. Après des années, l'aboutissement d'un grand projet. Quel sujet emballant quand même. Mais l'argent, c'est toujours fabuleux comme sujet. Et de temps en temps, il essaie de chanter en anglais, ce qui fait que soudainement, ni les francophones ni les anglophones ne peuvent plus comprendre ce qu'il dit. Ah ouais, je vous en montre un extrait. Ouais, il est tellement bilingue. Mais oui, c'est tout en anglais. Ouais, tu vois. Écoute ça. C'est pas des En fait, ça ressemble. The regiments of cats are grey. On peut penser que c'est du turc. No, we don't worry, grey mice. Hein? They should see their wandering steps. Ah, quoi? Wandering steps. Who's done turret gets? Yeah. Each of them roaming aimlessly. J'aime mieux ça de même. Communicate generously. With a person and constantly. Hey, je vais garder ça en fond, Étienne. Est-ce que t'as passé au travers? Vraiment pas, mais je reviendrai la semaine prochaine. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Non, c'est bon. C'était prévu que ça s'étirerait. Hey, voyons donc. Communicate generously. Michel quoi? Fourret? Farinet. Farinet. Comme de la farine avec un T au bout. Ça fait virer en partant. Dès le départ. Y a-tu fait comme, mettons, Normand qui s'appelait pas L'Amour? Non, lui, c'est vraiment, il s'appelle vraiment Michel Ferrer. Ok, ok. Puis je voulais juste dire rapidement qu'il m'a écrit un jour à Radio Cochonnerie parce qu'il était pas content de ce que j'avais écrit sur lui. Oh! Sur mon site. Puis là, je suis allé revoir, puis ouais, il avait raison, j'étais chien un peu, mais en même temps, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais, Michel? Je m'excuse. Peut-être que tu devrais nous lire ça à un moment donné. Oui, je vous retrouverai le email pour la semaine prochaine. Ça puis le texte. ça. Oui, avec un background de Michel Farinet qui défend son œuvre. Ouais, c'est quand ça arrive de temps en temps, ça. Pour l'instant, on va retourner dans Star Wars Turc avec Kunet Arkin, bien sûr. Et Kunet Arkin et son espace entre ses dents, il leur en reste la place dans le long métrage avec toutes ces séquences tirées d'ailleurs. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est un long métrage de 90 minutes de cinéma. De cinéma excellent qui dépeint les aventures que vivront une craque entre les dents et son propriétaire sur une planète désertique peuplée de figurants influençables et de monstres recyclables. Et de trampolines. Et de trampolines. Oui, ça, on le voit jamais, là, mais il y en a pas mal. On les devine, on les sent. Donc, le héros. Là, j'ouvre la plus grande parenthèse de toute ma vie. Oh. Je dis héros au singulier car dans les films turcs, du moins ceux qui intéressent douteux.org, le héros est toujours, immanquablement, sans l'ombre d'un doute, ce qui en crée d'autres après, Kunet Arkin. Dans la cosmogonie terrestre, Kunet Arkin est né le 7 septembre 1937 à Eskişehir en Turquie. Eskişehir, ça veut dire vieille ville. Municipalité du nord-ouest de la Turquie, créée vers 1000 ans avant Jésus par les Phrygiens. On s'en colle. Dans cette même cosmogonie terrestre, Kunet Arkin est le gars qui s'est mis chum avec le gars qui faisait des films et qui connaissait le seul producteur de cinéma que l'État n'avait pas, disons, rééduqué. Dans la cosmogonie des valeurs vraies, des pures valeurs, Kunet Arkin est un demi-dieu associé au concept de mort en quantité. Un avatar vengeur quasi invincible qui détient le pouvoir du trampoline. Parce que trampoline, c'est masculin, mais on va faire comme pas à partir du point de cette phrase-là. Point. Dans tous ses films, Kunet a le pouvoir de la trampoline. Le film de ce soir est unique en ce sens que Kunet débute le film sans le pouvoir de la trampoline, subit un montage d'entraînement sur une toune d'Indiana Jones et, ensuite, a le pouvoir de la trampoline. Pouvoir qu'il va subséquemment traîner toute sa carrière. Mais attention! Le véritable avatar de la mort qu'est Kunet Arkin ne se reconnaît qu'à la présence de sa craque entre les dents. Attention! Mais on ne sait pas si c'est Kunet Arkin tant qu'on n'a pas vu la craque entre les dents. Kunet Arkin, souvent imité, jamais édenté. Est-ce que c'est la parenthèse, est-tu finie? Fin de la parenthèse. Ah. Oh, le héros devra trouver l'épée en plywood et le gant en papier de construction, se faire la seule femme de la planète pour finalement sauver tout le monde des griffes d'un méchant sorcier immortel. Wow. Mais comment? Ouf, hein, grâce à la puissance de l'épée en plywood et du montage sur fond d'Indiana Jones et du gant en papier de construction. Mais comment? Hey, donnez une tape. Ça fait tellement longtemps qu'on veut faire ça. Oui, c'est ça. Tu vas revenir au Big Bang, sinon. Une tape gentille. Là, Atkin, là, il se traîne toujours sur son trampoline? Ah ben... Il est-tu portatif? Moi, je pense, en fait, que sur les planètes, en Turquie, voilà, les trampolines, c'est un petit peu comme des citrouilles ou de l'herbe. Ça pousse. Ça pousse partout. Des fois, tu marches sur de la pelouse, mais les autres, tu marches sur des trampolines. Mm-hmm. C'est ça. Voilà, c'est simple. Très simple. C'est très, très simple. C'est comme ça qu'ils disent. C'est plein de simplicité. D'ailleurs, je pense qu'il y a un trampoline sur leur drapeau. Hein? Je pense que c'est leur outil de gymnastique nationale. Nicolas Quirion, Simon Chénier, vous allez nous faire un indicatif. Là. Nous sommes Vidéoville, puis on fait ce que vous voulez. Là. Nous sommes Vidéoville. Et nous sommes à 70%. La première place où on a pris nos vacances. J'avais pratiqué, c'était plein longtemps. De synchronicité. Tu vois qu'il l'avait pensé. Donc 22, hein, c'est quoi? C'est le 22 janvier. Ouais, jeudi. Ok, le 22 janvier, on s'en va à l'Esco qui est coin Mont-Royal Saint-Denis pour écouter trois bandes d'affilée. Mm-hmm. Ça va coûter comment ça? 5. Ah, pas cher. Le même prix se faire déneiger son entrée. Hey, hein, 5 grosses piastres pour voir 3 bandes de la relève. Puis il va avoir en plus Bruno en t-shirt serré. Uh-huh. Hey, Bruno uh-huh. Corbin, merci bien gros d'être passé. Plaisir. Jessica, c'était fabuleux. Chéri fait. Et voilà, on s'en va au brouhaha, peut-être tous dans la Étienne Mobile. Bien sûr. Et voilà, c'était 70%. On vous laisse avec ça va être des gars, des filles, un salaud. Hein? Yeah. Ouais, yeah. Des gars, des filles, un salaud. C'est bien sûr rien à voir avec l'excellent cinéaste qu'est le divinissime Simon Boisvert, qui va sortir un film bientôt en anglais. Mm-hmm. Oh. Ça va plutôt être un opus de Vidéoville On remercie d'être passé à 70%. Là-dessus, oui, je ferme ma gueule. C'était Tommy Gadette. Salut. Bye. Douteux.org. Si, je l'ai pas fermé. Bonjour et bienvenue à Écran Total, l'émission des passionnés de la pellicule. Votre émission cinéma, votre magazine d'actualité culturelle pour tous les cinéphiles qui nous écoutent sur les ondes de Choc FM, la radio web de l'UQAM. Valérie Ouellet au micro. Je suis accompagnée cette semaine de toute l'équipe d'Écran Total. Marie-Lise Rousseau, Nicolas Krief, Sabine Garcia ainsi que Guillaume Côté qui sert aussi de régisseur pour cette émission. Du 19 janvier. Oui, pour cette émission du 19 janvier, on a un menu tout plein pour vous cette semaine. Alors, tout d'abord, Nicolas Krief, tu as rencontré un cinéphile qui risque de se retrouver sur la manchette de bien des quotidiens dès vendredi. Oui, j'ai rencontré Raphaël Ouellet cette semaine, un garçon très sympathique, et on a parlé de son film Derrière moi qui sort vendredi. Oui, réalisateur québécois qui a anciennement réalisé plusieurs films sous l'égide de Kino. On va aussi avoir plusieurs critiques de films, Entre les murs, qui sera présenté par Marie-Lise Rousseau, Slumdog Millionaire, comme promis la semaine passée, Revolutionary Road, et une surprise par Sabine Garcia à la fin de l'émission. Restez à l'écoute. Pour l'instant, on va découvrir une nouvelle chanson.